radio adventiste Béthanie de Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit. Thème que nous avons présenté chaque soir. Si tu crois, tu vivras longtemps et heureux. C'est un vœu que nous avons pour chacun de vous en 2019. C'est ce que l'Église adventiste Béthanie souhaite pour vous au cours de ce mois, au cours de l'année et de toute votre vie. Nous avons besoin que nous, chaque qui l'a, pour nous vivre longtemps et heureux. Est-ce qu'on croit le possible? Est-ce qu'on croit le possible? Pour vivre longtemps et heureux. Est-ce que le possible? Pour bon Dieu, nous n'avons pas de rien qui est possible avec Dieu. Tout est possible. C'est le thème général. Mais pour Assoya, nous avons un sujet pour Assoya. Qui ça n'a pas étudié? Assoya. Sujet Assoya. Sous capable, liavem. Qui ça le dit lui-même Assoya? Créer pour être heureux. Ce n'est pas blague, ma baye. Ce n'est pas histoire pour faire si moun dormi, je viens de bailler, je baguette pour ça. Je viens de boire bagay solide. Je viens de dire paroles sérieux. Je viens de boire vérité. Je viens de boire l'évangile. Papa qui est dans le ciel là, qui porte au bon Dieu, voyez me dire à soi, ou même qui l'a capté de moi, ou même, bon Dieu pas créé pour passer misère. Bon Dieu pas créé pour ça. Ou même, dans la souffrance où il y a aujourd'hui, dans la peine où il y a, ce n'est pas plan bon Dieu pas créé pour la pauvreté, pour la peine, pour la souffrance, pour manger sauté, pour dominer l'insécurité, dans le fait noir, dans le maringouin. Ce n'est pas plan bon Dieu t'a créé ou même qui l'a. Bon Dieu créé nous chaque pour nous vivre heureux. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce que bon Dieu a fait ça? Est-ce qu'elles sont monde comme ça? Est-ce qu'elles sont monde pour ça? Oui, il est un bon père. Vous et moi, il nous a créés pour être heureux. Avant de m'entrer en deux questions avec vous, bon courir défini, ça nous entend par bonheur. Ça veut dire le monde heureux. On essaie de définir bonheur. Mon Dieu est bon et c'est lui avec sous capable. Bonheur, c'est un état de satisfaction complète. Nous devons camper là, oui. Nous devons camper là. Les gars, en clair. Quand on est heureux, quand il y a bonheur dans l'air, c'est un état de satisfaction complète. Même qu'à continuer, pour nous dire toujours. C'est un état de complétion des désirs, caractérisé par sa plénitude et sa stabilité. Donc, quand il y a bonheur, c'est quand il y a satisfaction complète à tout, dans tous les domaines. Satisfaction complète dans tous les niveaux. Il y a bonheur, mais le bonheur est stable, le bonheur dure, le bonheur n'est pas éphémère. Il y a satisfaction complète, il y a satisfaction dans tous les domaines, mais ça doit être stable, ça doit durer pour parler de bonheur. Le bonheur est différent du plaisir, car le plaisir est éphémère. Le bonheur est différent de la joie, car la joie est un petit peu plus dynamique que le bonheur. Mais retenez que le bonheur est un état de satisfaction complète. Il y a pleine satisfaction et il y a stabilité dans cette satisfaction. On va t'arrêter ça au même. On va t'arrêter ça au même. Bon, petit bonheur, l'autre jour qu'on dit, on va t'arrêter, bagaille toujours belle dans mes mains. Bon, petit le bien toujours, on va t'arrêter bien passé. On va t'arrêter ça pour bien passer. C'est ce que nous appelons bonheur. On leur dit, ma bien passé. C'est un état de satisfaction complète. Chers et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, gagnez un pile moun qui poko fin croit que vous êtes capable de gagner bonheur, vous êtes capable heureux. Parce que la vie ne nous gâte pas souvent. Très souvent, la vie est moche, elle est difficile. Très souvent, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Il y a des fois, l'homme paraît plus douce que la vie. Mais fort heureusement, il n'est pas comme ça tout le temps. Moi, avant, il faut reconnaître qu'on a des moments difficiles, qu'on a des moments de tristesse, mais qu'on a tous des moments de joie intense. Des fois qu'elle nous compte content, des fois nous senti nous heureux. Il y a monde qui dit eux même elle a gain corps dans poche yo, yo heureux. C'est leur gain zo, leur gain pile l'argent, yo senti yo heureux. Il y a des filles qui dit jour levé, mari il pas passé, on billet 1000 goudon Hippolyte bot tête li chak, il contrarié, mouche pas posé, moun pas manyel. Et pas fille ici là non. Fille bon la caille mais quand comme ça. Et puis on lève un jour Mario papa et yo dit chérie, no money, no love. Fille bon ici pas comme ça me dit non, fille bon la caille ouais. Mais je suis là pour vous dire que l'argent à lui tout seul ne peut pas rendre heureux. Il y a des monde qui pensait que c'est impossible. Pour jouer un bonheur sous terre, ça, yo mette l'en poésie, yo mette l'en musique, yo dit, le bonheur parfait n'est pas de ce monde. Yo dit ça, yo pense ça, yo croit dans ça. Mais cependant, si m'la assoya, c'est pour m'capable de montrer. Et chaque jour, m'a montré ça, que nous capables de bonheur, nous capables heureux. Il est vrai que nous nous posons beaucoup de questions quand nous parlons de bonheur. Nous parlons de sortir, comment nous allons créer, qui ça a fait pour nous gagner bonheur ça. Je suis d'accord que nous n'avons pas de réponse à toutes les questions. Je suis d'accord que les questions peuvent nous diviser. Même si nous avons un point qui est central, un point qui est commun, qui est fondamental. Nous tous qui là, si nous menti, dis-moi bah menti. Nous tous qui là, moi je suis que nous t'aimons heureux. Et pas vrai? Chaque monde sous la terre, c'est le point commun de l'être humain. Nous, chaque, nous t'aimons heureux. Mais cependant, cette question persiste. Elle est encore de retour. Elle est fondamentale. Elle est pertinente. On a le droit de poser. C'est quoi cette question? Comment être heureux dans ce monde si méchant? Dans ce monde de haine? Dans ce monde de violence? Est-ce qu'on peut vraiment être heureux? Heureux pour ton bonne nouvelle pour Assoya. Ou besoin de réponse à question ça. Oh, j'ai une très bonne nouvelle. Est-ce que tu as une bonne nouvelle? Dis amen sur mes bonnes nouvelles. M'attend amen dans les chiches. Est-ce que tu as une bonne nouvelle? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette bonne nouvelle, je l'ai lue dans ma Bible. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma Bible? Ma Bible me dit qu'il est possible, il est très possible, à la gloire de Dieu, au nom de Jésus, il est possible d'être heureux ici à Pétionville. Amen. L'impossible pour heureux sont pas sauvés en Chili. Ou pas obligé de sauver en Chili. Bible m'a montré que dans Pétionville, dans Monécule, dans Monlaza, Kotoretea, ou ka heureux au nom de Jésus. Parce que moi, je sais une chose. Bible pas m'a dit ni. Monécule est pour l'éternel des âmes liés. Monlaza est pour Jésus lié. Pétionville, bon Dieu qui contrôle lui. S'il veut mener dans Pétionville, ou mener à la gloire de Dieu. S'il veut bien passer dans quartier Kotoretea, personne pas qu'à empêcher au bien passé, car l'Éternel, mon Dieu, est tout puissant au siècle des siècles, par rien qui est possible pour lui. Amen. Oui, ma Bible me le dit, il est possible d'être heureux sur cette terre. Mais Bible pas maintenant, les dîmes ont bagaille qui est encore plus fort. Bible pas maintenant dit, moi, non seulement qu'à heureux sous terre, mais Bible pas maintenant montre que bon Dieu créé, bon Dieu créé pour qu'à heureux. Ou pas d'accord? Ou qu'il n'est pas d'accord? Amen, non, chiche. Bon, j'ai fait un bouc homme. Amen. Bible pas m'a montré que bon Dieu créé pour m'ka heureux. Bon Dieu créé pour m'ka heureux. Bon, j'ai le plus bien. Bon, j'ai le plus bien. Non, moi, janvier ça. Non, année 2019 ça. Bon Dieu voulait qu'on heureux. Bon Dieu voulait baga la belle la main. Bon Dieu voulait dans son éa pour sortir la donne au nom de Jésus. Livrez ça, car nous sommes créés pour être heureux. Bible pas maintenant qui dit ça. Li avec sa Bible a dit. Nous sommes dans 3 Jean verset 2. Si yo bon, qui moun kap li avec? Que dit 3 Jean verset 2? Bien-aimé. Et c'est Dieu qui te parle. Il t'appelle bien-aimé. Qu'est-ce qu'il te dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. C'est le plan de Dieu pour nous. C'est le vœu de Dieu pour nous. C'est le plan de Dieu pour toi. Il t'appelle bien-aimé parce qu'il t'aime. Il a un souhait pour toi en janvier. Il a un souhait pour toi en 2019. Il a un rêve pour toi. Et le bon Dieu qui est plan parle. Le plan par bon Dieu, l'a exécuté. Satan m'a sauté, maté, pompé. Plan bon Dieu, l'a réalisé quand même, car c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour toi ce soir. Ou même qui est orphelin. Ou même qui a occupé petit sans papa. Ou même qui a 4 petites. Ou même qui papa petit. Tu vas prendre ça pour faire. Jeune garçon, pourquoi dans Pétionville? Jeune fille qui a tiré le diable par la queue. Tu frappes à toutes les portes pour avoir un peu de bonheur, pour avoir un peu de joie. Des fois, tu es fatigué. Des fois, mendé la mort. Des fois, crié. Des fois, tu vas prendre ça pour faire encore. tellement prend malhonnête, tellement prend déception. Papa, vous me doit soyez non soyez à ou pape mourir la donne. Bon Dieu, gon plan pour vous. Il veut te rendre heureux. Bon Dieu capable, sœurs et frères. Est-ce qu'on croit bon Dieu capable? Bon Dieu capable, il a un plan pour ta vie, d'après 3 Jean verset 2. Dans ce texte, nous allons rapidement considérer 3 aspects dans ce souhait que Dieu formule à chacun de nous, ses enfants. Premier aspect que nous avons dans ce souhait, aspect numéro 1, si Dieu bon lié avec moi, la prospérité. Dieu veut que tu prospères d'abord sur le plan spirituel. Livre riche sur le plan spirituel. Livre bien mené sur le plan spirituel. Qu'est-ce que nous appelons la prospérité spirituelle? Ça veut dire quoi pour nous? C'est la santé de l'âme. La santé de l'âme, c'est indispensable. Comme prospère l'état de ton âme. Je dis en pile spécialiste en sciences du développement, en pile spécialiste en psychologie, ils ont montré, j'en pense au yé, c'est comme ça la vie au yé. Ils ont montré que l'état mental a un gros impact, a une grosse influence sur l'état physique. Le mental la faible, tout bagaille mal, mais tout bagaille gâté. Le mental la faible, le mental la fort, le spirituel la fort, gan pile chance qu'on bénit, gan pile chance qu'on gagne succès ou qu'on réussit. Le mental la fort, c'est le cerveau qui mène le corps. C'est le cerveau qui mène le corps. Le mental d'abord. La science médicale, les spécialistes en sciences du développement, ils ont clé sur ça, je dis. C'est spirituel qui mène physique. Bon Dieu voulait que tu prospères d'abord sur le plan spirituel. Quand nous parlons de santé de l'âme, qu'est-ce que nous voulons dire? Mesdames et messieurs, nous parlons de la communion avec Dieu. Seigneur, avouez mindio, li besoin gen l'argent, li vlo gen bel caille, li vlo ou les bel auto, li besoin bien passé, bien mené dans ville là. Mais bon Dieu voyez mindio, ça plus besoin, ça doit premier, ça doit important pour vous, c'est relation avec bon Dieu. Comment y est avec bon Dieu? Est-ce que vous amis bon Dieu? Mais ça me veut dire qui place ou bail bon Dieu dans cœur? Est-ce que l'argent plus important pour que bon Dieu? Est-ce que manger plus important pour que bon Dieu? Il y a des monde que me connaît, il pas dans salle là, c'est pas mon boy ici là, mon l'autre côté bon la caille moi, depuis le grand goût, il va dans prier. Et puis le grand goût, il va dans chanter. Depuis le grand goût, il va pas l'église. Il dit chien grand goût va jouer ou pas chien mon cher et mon ouye. Pas chien mon cher. Qui place ou bah bon Dieu dans cœur? Qui place bon Dieu gagne dans la vie? Est-ce que le plus important que tout le monde, que toute bagaille? En Saint Matthieu 22, verset 37, ma Bible dit ceci. Ma Bible montre la place que Dieu recherche dans mon cœur. La place que Dieu désire dans chaque cœur. L'évangile dit ceci. Si Dieu bon, lis avec moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Souda redis amen. Souda redis amen. Qui j'en pourrais bien mon Dieu? Qui j'en pourrais bien mon Dieu là? À tout cœur, à tout amour, à toute pensée. Est-ce que mon Dieu méritait ça, son frère bien-aimé? Est-ce qu'il méritait ça? Oui. Il s'agit ici de faire quoi? Qu'est-ce que nous devons faire ici? Il faut donner à Dieu la première place. Où ça? Où ça? Dans ton cœur, il faut l'aimer plus que tout. Qui ça me dit là? Qui ça me dit là? Il faut aimer Dieu plus que... Qui ça me dit là, mesdames? Ça me dit là, mesdames? Il faut aimer Dieu plus que... Aimer bon Dieu plus que toute bagaille. Mesdames, est-ce que vous êtes d'accord, mesdames? Par contre, il dit amen, non, mesdames? Mesdames, est-ce que vous êtes d'accord? Pire aimer bon Dieu que toute bagaille. Mesdames, aimer bon Dieu plus que l'argent. Mesdames, remets mon Dieu plus que l'argent. Ah, viens m'amener, mesdames, là, alors. Mesdames, remets mon Dieu plus que l'argent. Parce que, grand monde qui dit, et pas mesdames ici, grand monde qui dit, bon, c'est les mesdames, ils ont tellement remé l'argent, dès pour elles prennent le mourir, les malades graves, les prêtes pour le mourir, dès pour dire, mais l'argent, sous elles pas lever, elles font ce qu'elles mourir. Tellement firmé l'argent. Mais la Bible nous dit, mesdames, la Bible nous dit ce soir, pour prospérer spirituellement, faut pire aimer bon Dieu, même passer l'argent. Faut bailler bon Dieu plus place même pas c'est l'argent. À ce moment-là, tu vas prospérer spirituellement. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. L'aimer plus que tout. L'aimer à quel point? À quel point qu'il faut l'aimer? L'aimer au point de vivre pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Vivre pour la gloire de son Saint-Nom. Par la première place, par la priorité, ma chaque bon Dieu, tout côté pour aller. Rémer bon Dieu, plus que toute bagaille, plus que tout monde. Vive pour nos bon Dieu glorifiés. Rémel comme ça. Lors de la première place, il faut une promesse. Regardez avec moi cette promesse que nous lisons dans Romains, chapitre 8, verset 38. Si Dieu est bon, qu'est-ce que la promesse t'a dit? Que dit la promesse? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous lisons Amen, mesdames, messieurs. J'aime le texte. Vous savez pourquoi? C'est parce que Paul n'a pas dit certaines choses. Paul n'a pas dit certaines choses. Qui ça Paul dit? Paul dit toutes choses. Ou peut-être sous mot, ou peut-être sous terme, non? Ou peut-être sous lit? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ça Paul veut dire, l'or aime bon Dieu. L'or aime bon Dieu priorité. L'or a la première place dans la vie. Même monde qui raille, c'est bien pour le fort nom de Jésus. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'or aime bon Dieu première place. L'or aimé bon Dieu, moun bon m'a dit chon. L'or gado ouais, c'est béni ou béni au nom de Jésus. Amen. C'est l'or aimé bon Dieu. L'or aimé bon Dieu. L'or aimé bon Dieu. Ou bal première place, m'a dit chon yo bay, pou belle mère, dit tombe sous, maman yo. L'or aimé bon Dieu. L'or bal première place. Et je suis là pour vous dire que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Mon Dieu ne ment jamais. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Oh, la communion avec Dieu, donner à Dieu la première place, faut rétablir communion ça soya. Faut gain prospérité spirituelle là. Faut zami mon Dieu. Comment on va rétablir? Qui ça pour faire? Un, prends temps pour prier. Bon Dieu, c'est pas pour lier, faut pas la veille, faut gagner petit temps pour lire. Le matin on va sortir, pas la veille, remettre les journées. Le soir on va dormir, pas la veille, remettre les nuits là. Mais sécurité, bandit, la guerre non mais pas pour communion avec lui par la prière. Deuxièmement, ça vous fait la lecture de la Bible. La Bible est la parole de Dieu. C'est ton père qui te parle. Sous balle première place, sous remel, faut gagner petit temps pour tendre ça le dire à travers la Bible. Ensuite, il y a le témoignage et la façon de vivre, le style de vie. Tout côté passé, et pour dire bon Dieu, son bon papa pour moi. Témoignage. Et pour dire bon Dieu, son bon papa pour moi. L'on agit comme ça, ou rétablit la communion avec Dieu. Quand tu as la communion avec Dieu, on peut parler de prospérité spirituelle. Oh, ce soir, bon Dieu là, papa là. Combien de monde a cru? Bon Dieu, c'est papa. Lève-moi pour moi. Moi qui croit ça. Moi, je me lève demain. L'IA dit Amen, c'est papa. Amen. Papa, vous me doit souhaiter la parole ça. Au livre, les gagnants, on contacte personnel avec vous. Li vle gagner en contact intime avec vous. Li vle porter bonheur la caillou. Mais besoin ouvrir cœur pour balon petit place. Li besoin assoya lors quitter l'église pour dire papa bon Dieu, on a la caillou avec nous assoya. Il y a quelques jours mettre dehors. Il y a quelques jours pas servir avant. Mais je veux être heureux en ce mois de janvier. Je veux être heureux en 2019. Tant pis papa, on a la caillou avec moi. Me content pour me doit assoya. Son vérité ma bon là, son l'autre bonne nouvelle. Soumène bon Dieu la caillou avoir assoya. Moi garantis ça au nom de Jésus. Depuis bon Dieu river la caillou avec Assoya, tout ça tête en bas, la mettez le tête en l'air au nom de Jésus. Amen. Menez la caillou, livrez en communion avec vous. Mais ça le dit Assoya, dans Apocalypse 3, verset 20, il te parle au creux de ton oreille. Il susurre ses mots à ton oreille et il te dit si c'est papa, souremel, souvle bal place dans le cœur, li avec ça le dit Assoya. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Sous d'accord, dit Amen pour ça. Zambim, bon Dieu voulait al fêter avec toi. Il veut faire la fête avec toi ce soir. Il veut faire la fête avec toi. Sous intéressé on seul bagarre pour faire. L'ouvri cœur, ben Jésus entré. Livre les fêter avec Wassoya. Livre les bagarre belle la maison. Livre l'eau bénie. Livre les toutes portes l'ouvri pour eux. Livre ce code cassé pour eux. Mais faut zami avec. Faut quitter l'entrée dans le cœur. Faut emmener la caillou. Me souhaiter ça à paix. Intéresser eux. Parce que le Jésus a vise dans le cœur. On va heureux. Le bon Dieu gagne première place dans le cœur. Tu connaîtras le vrai bonheur. Quitter le fêter avec vous. Deuxième aspect dans ce deuxième aspect, nous avons c'est prospérité spirituelle. Deuxième aspect, c'est quoi? À la prospérité physique. Que dit le texte concernant prospérité physique? Et soit en, c'est le vœu de Dieu. Prospérité physique. Combien de monde là? Tu as des questions bien, vous levez, mais combien de monde là qui est malade? Personne. Combien de monde là qui est guéri de maladie, il y a un jour dit là? Bon, moi, mais on s'est arrêté ça. On va t'arrêter ça. Pas aimer ça. Oui, bien sûr. Amen, amen. Tout le monde aime ça. Bon Dieu, qu'on nous aime ça. C'est pour ça qu'il faut se les jours sous plan santé, sous plan physique, les carrent nous heureux. Les carrent prospérité. On garde pour nous, si bon Dieu qu'a fait, mais volonté bon Dieu. Qui plan bon Dieu pour nous? Qui volonté? La volonté de Dieu, c'est de nous guérir. Mais grande question qu'a posé, est-ce que bon Dieu qu'a guéri? Est-ce qu'elle guérit toute maladie? Grande série de gros maladies, je dis, est-ce que bon Dieu a guéri? Mais même pas qu'on est, Bible pas m'en, m'croit la donne, bon Dieu pas m'en, m'croit pas rien qui est possible pour lui, mais ça le dit m'en, Bible pas m'en, psaume 103, verset 2 et 3, qui m'en capte avec m'en, m'en m'en l'oublie avec m'en, quand m'en capte avec m'en, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, et qui guérit toutes tes maladies, sous la croix, dit amen. Sa Bible a dit, Dieu guérit toutes les maladies. Est-ce qu'elle a guéri sida? Amen. Est-ce qu'elle a guéri cancer? Amen. C'est la Bible qui le dit. Ma Bible ne ment jamais, car mon Dieu dit toujours la vérité. Et je sais, oh mesdames, messieurs, chers amis de Pétionville, je sais que mon Dieu est tout puissant au siècle des siècles. Ma Bible me le dit, mon expérience avec mon Dieu me le démontre. Sœurs et frères bien-aimés, amis qui m'écoutaient ce soir, rien, oh non, rien n'est impossible à Dieu. L'a guéri, quelle que soit maladie. Quoi pour quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il guérit toutes les maladies. C'est son plan. Oh Dieu veut nous donner la santé. Il veut que nous vivions longtemps. Nous allons prier tout à l'heure dans fin de présentation. Monsieur monde qui est malade, nous allons faire une prière spéciale pour Assoya. Monde qui est malade, commencez à ranger corps, agir fort, sous tes péchés pendant la journée. Commencez à demander pardon. Nous allons prier pour vous. Et sous quoi? Ou après, enfin semaine finie. Enfin moi fini. C'est pour le 10 autres. C'est pour le témoigner pour dire, t'es malade. Bon Dieu, non, guéris-moi. Car il guérit toutes nos maladies. Oui, il est capable. Au nom de Jésus. Dans Exode 15, verset 26. Regardez ce que Dieu nous dit. C'est Dieu qui parle. Il veut que nous soyons en santé. Qu'est-ce qu'ils nous dit ici, mesdames, messieurs? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et nous disons amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il guérit toutes nos maladies, prospérité physique. Seul bon Dieu qui a fait ça. Amen. Seul bon Dieu qu'on s'amène. Amen. J'ai croisé en mime. Guérison pour Assoya. Au nom de Jésus. Prends forme, quoi, patnem. Agis fois en mime. Non, malazouille. Pas gué comme cas docteur. Pas gué comme médicament. Pas gué comme pour consultation. Vine jeune docteur Jésus. L'elle met mes sous. La manion. Li guéri kyste. Li guéri fibrome. Li guéri sida. Li guéri cancer. La met au campé. La bonne santé. Pour aller dans tout quartier. Dans toute zone. Pour aller dire. Moi, t'es malade. Bon Dieu guérime. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Il nous guérit de toutes nos maladies. Mais il faut savoir, il y a un détail technique très important qu'il faut souligner et retenir. C'est très important. La prospérité spirituelle entraîne la prospérité physique. Est-ce qu'on croit ça? Sous ami bon Dieu, sous fait la paix avec bon Dieu, sous bal première place dans cœur, l'eau malade, on met dit papa, malade pour tes guérisons pour moi. Selon sa volonté, il peut guérir. La prospérité spirituelle entraîne la prospérité physique. Mais on l'autre encore. Il y a plus toujours. Ma touille honnête. Bonbon troisième. Numéro 3. Ma bonnette. Oh, la Bible parle de la prospérité. Oh, bagaille à belle dans mon net. Bon, moi, dans qui domaine, mon Dieu, ben nous, pour un bonheur. J'ai dit un, c'est la prospérité. Et deux, c'est la prospérité. Et la troisième, c'est la prospérité. Ça nous voulait dire par prospérité économique. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout côté au moyen. Faut bénir au nom de Jésus. Tout business qu'on gagne, faut le marcher bien à la gloire de Dieu. Nèg mettre si mes coups de poudre, nèg mettre faire complot, nèg mettre faire bonne, faire colonne pour détruire. Business pour là, les protéger, les bénir, les garder, les sous contrôle. L'Éternel les armées. Faut réussir quand même, quand c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. À tous égards, prospérité à tous égards. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sœurs et frères bien-aimés, habitants de Pétionville, retenez ceci, car c'est une vérité fondamentale. Ne l'oubliez jamais. Mesdames, messieurs, Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Oh, bon, je vous bien. Oh, bon, là, papa, vous voyez, me dit, on met 10 problèmes, la deux solutions. Amen. Papa, vous voyez, me dit ça. Papa, vous voyez, me dit là, t'y colle bon. Bon Dieu, la voie m'zou, t'y colle bon. Dis le problème, l'abdou, solution. Seigneur, voie m'dou à soya, quel que soit gros ces problèmes qu'on gagne, bon Dieu, pigo que problème moi. Bon Dieu, qui contrôle problème moi. Bon Dieu, domine problème moi. Parce qu'il a dit, au psaume 46, et c'est Dieu qui parle, arrêtez, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il pourvoit à tous nos besoins. Bon, bon, deux, trois besoins. Oh, la bonne manger. Bon Dieu, quand on va manger, amen. La bonne manger, la bonne rade, la bonne sac, l'argent, la baille euro, la baille dollar, la bonne l'argent. Bon Dieu, capable. Amen. Amen. Bon Dieu, capable. Ou pas besoin de faire petit figuier devant personne. Non, non, non, jamais. Et jeune fouillé, parle vendre corps pour plat manger, parle place avec monsieur marié pour un dollar. Bon Dieu, cabor dollar. Parle faire mon relo madame papa pour dollar. Ma sœur m'a fait ça, Zamim. Bon bagay, mon pétion vilouye. Ou a gagne 20 ans, ou gon ménage 60 ans. Ou m'en remène, oui, m'en 60 ans, grand moun non remè. De la joye. Kono de remè krek. De la joye. Bon Dieu kabor, l'argent. Bon Dieu kabor, auto. Bon Dieu kabor, iPhone. Bon Dieu, capable. Parle marché de mari, moun jeune fille. Jeune garçon kap tandem. Parle en drogue. Parle en homosexualité. Parle en bandit. Parce que l'on a bandit, on a un gros problème. L'on a qui est des âmes pour l'argent, on a un gros problème. Il y a fort honte. Et alors, on fait télévision de Jean-Marie en bas code. Ti Marie en bas code. Ti papa en bas code. Andréna en bas code. Ou a honte. Mangeons besoin, l'argent besoin, Nike pour Nampio là, converse ou le mettre, bon Dieu, kabaili, bon Dieu, capable, il peut répondre à tous nos besoins, il veut te rendre heureux, fais confiance, oh, dans Bipam, non, dans Matthieu, bon Dieu, dis parole ça, kembe parole ça, oui, c'est bon Dieu qui a parlé avant pour pas peur, qu'est-ce qu'il nous dit, ne cherche, oh, retournez-moi, Matthieu 6, tournez l'autre stade à moi, voilà, on lit ensemble, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Sous la croix, amen. Bon Dieu, qu'on est où? Besoin, non, soyez là, ou pape mourir la donne, car c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pour ça le dit où? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit ça. Quelle philosophie! Quel style de vie! Mais c'est merveilleux! Le texte nous dit, zami ak bon Dieu pito, close ak bon Dieu pito, connecte ak bon Dieu pito, à la caillou ak bon Dieu asoya, bon Dieu compte tout besoin yo, depuis la caillou, depuis le cœur, loyer à payer, l'école ti moun a payé, wap manger trois fois par jour, wap ge kop nan pochou, dette yo a payé, sous zami Jésus. Ou pas besoin de dormir inquiet. Ou pas besoin de perdre du sommeil. Ou pas besoin de contrarier à soi. La seule chose intelligente, la seule chose juste, la bonne décision, la décision raisonnable à prendre ce soir, c'est quitter Jésus, entrer dans le cœur. Quand on a Jésus, on a toutes choses. Soit là avec Jésus, problème ou résoudre, car Jésus est la solution. Oh, mesdames, messieurs, sœurs et frères, je suis là pour vous rappeler, car vous le saviez déjà, mesdames, messieurs, Dieu est bon, et il sait tout ce dont vous avez besoin. Il pourvoit, la réponde, la barou, la baille, ou maintenant, car Dieu est bon. Zanmim kap tandem, mesdames, mesdemoiselles et messieurs de Pétionville, retenez cette idée, le bonheur que Dieu donne concerne l'homme dans sa totalité dynamique, car le bonheur de Dieu est d'abord esprit. C'est un bonheur qui concerne l'âme et également le corps. Dieu donne le bonheur total, un bonheur parfait. En Dieu, il y a la plénitude, esprit, âme et corps, yo tout ap satisfait. Lor kwen nan bon Dieu, lor lago nan men bon Dieu. Idée pour pas jamblier. Lis pour moi. Ça faut pas jamblier. Le vrai bonheur se trouve seulement en Jésus. Est-ce que comme on qui croit ça soir hein? Le vrai bonheur est seulement en Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit, en Jean 10, verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... Qui ça, bon Dieu, vle baou? Abondance, pour pas manquer en rien. C'est le plan de Jésus pour toi et pour moi ce soir. Il veut donner à ses enfants l'abondance. Oh, le vrai bonheur, c'est de connaître Dieu intimement et vivre avec lui. Quand on a Dieu dans son cœur, on a toutes choses. Si tu crois cela, tu vivras longtemps et heureux. Prospérité spirituelle, prospérité physique, prospérité économique et financière. Bon Dieu qui a pas baroule, bon Dieu qui a changé situation, bon Dieu qui a bon bonheur. Mais faut croire dans ça. Oui, si tu crois, tu vivras longtemps et heureux, car tu es créé pour être heureux. Nous sommes créés pour être heureux. Mais avant de finir, gros problème technique que nous devons résoudre pour me finir. M'ka prêche sous bonheur. Bon Dieu vle bon bonheur. Bon Dieu vle rend nous prospère. Bon Dieu vle rend nous heureux. Mais gon détail technique n'a fini avec elle. Pour avoir le bonheur, il faut le décider. Pour heureux, faut choisir. Ou pas heureux par hasard. Bon Dieu pas force heureux. Faut vle heureux. Et nous gon problème technique là en pile dans nous pas vle ça. Nous pas choisir ça. On entend des monde dans hôpital m'aide moi là. Pour ça choisir pour l'aide là. Parce que ou ka tellement l'aide, figou fort mal tellement l'aide, oui. Mais ils sont choisis. C'est augmenté ça. Augmenté pour ou dipito l'aide ou là. Pourquoi pas dipito de bim là, fom belle. Pourquoi pas dipito? Pourquoi pas dipito, ma bat de l'eau pour me faire bé? Est-ce que de l'eau qu'on fait bé? Ou j'en mets de l'eau bat bé? Baye bé? Pourquoi pas dipito, ma bat l'aide pour me faire bé? Ou pas gagne l'aide? Ou pas mérite l'aide là? Et c'est l'eau gagne? Donc pour avoir le bonheur, il faut le désirer. Il faut le choisir. Faut le vouloir. Bon Dieu, pas qu'à fort heureux, sont pas vlés au dépend de vous-même. Et c'est ce que Baden-Powell nous dit, le fondateur des scouts. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Baden-Powell? Le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis. Faut vler bonheur là. Faut travailler pour lui. Faut goumer pour lui. Faut chercher bonheur là. Ou pas qu'à croiser bras ou pas jamais décider en boire tant de bonheur. Gon l'autre auteur, son auteur haïtien, il y a M. Solina Bar Joseph, il y a un bel petit livre, Au bout du tunnel, le secret des gens heureux. Regarde ça, monsieur dit lui-même. Si on veut être heureux, il faut vraiment le décider. Oui, vraiment. Si vous voulez heureux, c'est kounia pour dire. C'est pour dire au nom de Jésus, je veux être heureux. Je suis créé par Dieu pour être heureux. En 2019, je veux avoir plus de solutions que de problèmes. Je veux être heureux. Je réclame ce bonheur au nom de Jésus. C'est pour dire bon Dieu, c'est pour vouloir ça. Et pour dire bon Dieu, Anessa, l'aime l'ouvrir bouche moi, faut gagner plus de dollars que good la donne. Est-ce que c'est possible? Ouais, maman non, va dire. Oui, quoi le possible? Non. Est-ce qu'on croit Anessa, sous désirer ça, sous vouloir, boussou ka gagne plus de dollars que good la donne? Faut vouloir bonheur là, faut désirer, faut chercher bonheur là. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit dans Proverbe 16, verset 20. Il nous invite à l'action. Nous devons passer à une décision si nous voulons être heureux. Que nous dit la Bible? Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Qui ça pour faire pour heureux? Qui ça pour faire? Il faut un réfléchir sur les choses. C'est pour dire comment on fait dans misère tout le temps. Comment on fait dans grâce tout le temps. Comment on fait États-Unis bon? Moi, mon Haïti, m'a pas bon. Comment faire c'est sauver pour me sauver mal Chili pour me garer si un petit cop dans poche moi? Faut réfléchir sur la vie ou qui sont au café pour changer condition de vie ou là commencer réfléchir bonheur va venir. Mais le meilleur secret sous confier dans bon Dieu. Sous la gonette dans mes bon Dieu, Dieu peut vous rendre heureux. J'ai une question pour vous car je veux terminer ce soir. J'ai une question pour chacun de vous. Où est-ce la question? Est-ce que vous l'île pour moi? Est-ce que vous l'île pour moi à soi? Que dit la question? Veux-tu vraiment être heureux? Est-ce que vous voulez heureux? Est-ce que vous voulez heureux? Seul qui est capable de bonheur. Qui est capable de bonheur encore? Seul. Est-ce que vous voulez heureux? Je t'ai aimé, ouais. Tout le monde qui voulait heureux. Pour vous faire un petit campé qu'on y a. Faut un campé. Parce que la décision que besoin prend là, c'est le monde qui voulait heureux seulement qui peut prendre décision. Si vous ne voulez heureux, chita. Si vous ne voulez heureux, chita. Tout le monde qui voulait heureux, camper, nous allons prendre une décision. C'est ma décision. Même ta remède une décision par auto. Depuis yo bon, souviens avec lunettes, liavem, je m'adresse à ceux qui veulent être heureux. Liavem décision. Qui ça le dit? Qui ça le dit? Je veux à partir de maintenant placer toute ma confiance en Dieu afin de jouir du vrai bonheur qu'il réserve à ses enfants. Sous d'accord, dis amen. Sous d'accord, dis Amen. Lis la même encore. Je veux, à partir de maintenant, placer toute ma confiance en Dieu afin de jouir du vrai bonheur qu'il réserve. Est-ce qu'on croit bon Dieu car on est heureux? Est-ce qu'on croit bon Dieu car on est dans la misère? Est-ce qu'on croit qu'on ouvre une porte pour assurer? Fais bon Dieu confiance. Nous t'en aimons prier pour. Est-ce que d'accord pour me prier pour? Besoin de monde qui est malade. Monde qui croit bon Dieu capable de guérison. Monde qui besoin de prospérité physique. Ou qui vient devant chez la souvelée. Ou qui arrête dans place autour. Mais souvelez vient devant chez la pour prier spécialement pour vous. Ou qui avance. Monde qui malade dans la salle là. Qui besoin de prospérité physique. Zami qui croit bon Dieu qui a manqué la soya. Zami qui croit bon Dieu qui a manqué la soya. Elle qui a guéri toutes les maladies. Prospérité physique. Ou qui avance pour nous prier pour vous. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que... Prospérité physique. Monde qui besoin, bon Dieu, bain. Zami, quoi, bon Dieu, qu'on guérit. Ou qu'à avancer, vine devant, chier là. Avancez sous quoi. Ou même qui gagne la foi, avancez. Vine devant, chier là. Toutes les amis visiteurs. Même d'église, bah, les amis au passé. Vine devant, chier là. Prospérité physique. Vous voulez faire bon Dieu confiance à soi. Vous voulez la gloire dans bon Dieu à soi. Nous allons prier pour vous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. C'est entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne. Tout avec. Ou qu'à mettre à genoux pour nous prier. Mets-toi à genoux pour nous prier. Mandez bon Dieu pour faire confiance. Dis bon Dieu dans le cœur. Qu'on voulait remettre la vous dans la soya. Pour porter prospérité pour vous. prospérité spirituelle, prospérité physique, prospérité économique. Dis bon Dieu, aide-moi pour faire confiance, pour l'ouvrir toute porte qui fermait, pour le guérir de toutes les maladies. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur éternel, nous venons à toi. Nous nous sommes vidés complètement parce que ta parole a été proclamée et nous avons pris conscience que nous devons tout enlever de nous afin que nous soyons un vase vide en sorte que tu puisses nous remplir. Que tu nous remplisses, Seigneur, de ton Esprit Saint afin que nous ayons la prospérité spirituelle. Que tu nous remplisses, Seigneur, de tes bénédictions, que tu nous touches de toutes parts, de tous côtés, car tu connais toutes les cellules de nos corps, toutes les infimes parties de notre être, car c'est toi qui nous as formés. Et quand tu nous as formés de ta main et tu as insufflé en nous ton souffle de vie afin que nous devenions une âme vivante et tu as fait de nous des créatures merveilleuses. Que la gloire s'assoie à toi. Merci Seigneur pour cet esprit que tu mets en nous. Merci pour ce corps merveilleux que tu nous as donné, car tu nous l'as dit, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Oui Seigneur, nous te ressemblons et nous voulons continuer à te ressembler. Ce soir, nous avons entendu ta parole et nous avons cru. Nous croyons que tu es le Dieu vivant, le Dieu d'éternité, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui fait miséricorde, le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Ce soir, nous te remettons, Seigneur, tous nos maux physiques et spirituels. Nous savons que nous sommes malades et nous venons à ta clinique, à ton hôpital, afin que tu nous regardes, que tu fasses notre radiographie, que tu vois, parce que tu vois déjà, tu sais déjà, tu connais nos maux, tu connais nos soucis, tu connais nos problèmes. Seigneur, nous sommes à toi. Guéris-nous. Guéris-nous de nos maux physiques, de nos maux spirituels, de nos maux sociaux, de nos maux familiaux. Oui, Seigneur, accorde-nous cela. Nous sommes venus à toi par la foi. Nous croyons en cette parole. Fais au-delà de toutes nos espérances et bénis ton enfant qui a apporté ce message. Nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, sans je te livre tout avec beau. Mais remercions parce que vous choisi à soya pour faire bon Dieu confiance. Mais remercions parce qu'on répond à appel bon Dieu pour quitter le guérir. Pour le bon prospérité spirituelle et prospérité physique. Merci parce que vous êtes déplacé pour venir tendre nous à soya. Nous souhaitons que bon Dieu ouvre le ciel là pour le nous bien béni. Nous souhaitons qu'on arrive la caillou en bien. Nous souhaitons que ange puissant bon Dieu accompagne vous et qu'on passe une bonne nuit sous son regard protecteur. N'attendons là encore demain soir parce que nous connaissons bon Dieu a béni journée demain pour vous. Vini à 6 heures, n'a adoré bon Dieu, n'a prié bon Dieu, n'a tant de messages et l'a fait nos grâces. À la caillou en paix, passez bonne nuit, rendez-vous en grâce pour demain si Dieu veut. à 6 heures. Bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse.